sous le poids du ciel qui saignait. Des cris muets dans la rengaine. Une lumière ternie qui s'éteint. Dans ce monde aussi vide que malsain. Des miroirs brisés, des vérités qui coupent. Une rivière noire où mon âme s'engloutit. Des souvenirs tordus en boucle. Le silence m'étouffe, l'oubli me nourrit. La haine comme une mer glaciale. Le dégoût comme un baiser fatal. Je saigne des rêves gris. La vie un naufrage, l'amour.